Bonjour tout le monde, c'est Tony, alias Tony Grimoire sur Instagram. Vous êtes là pour un nouvel épisode de En attendant le bûcher, et je suis accompagné de la sublime et de ma meilleure amie, Charline. Bonjour à tous, c'est facile de dire sublime, vous n'avez pas l'image, donc c'est cool. Donc moi, vous me retrouverez sur les énergies de Charline, et je suis ravie de te retrouver ce matin, Tony, pour ce nouvel épisode autour de l'air. Et oui, on clôture voilà, les quatre éléments et on finit par l'air. Pourquoi on finit par l'air ? Parce que je pense que c'est l'élément le plus difficile à palper. Déjà, un, parce que l'air, c'est pas palpable. Et deuxièmement, contrairement à l'eau ou le feu, où on peut ressentir les effets de l'air avec la sensation d'humidité, de froid de l'eau, ou au contraire de la chaleur et un peu brûlante du feu, il faut un peu plus de concentration pour se relier à cet élément air qui est pourtant si, si important et en permanence autour de nous, quoi. Là, pour le coup, l'air, on y est connecté parce que on y vit dedans. C'est pour ça, je pense aussi qu'il est beaucoup plus enfoui et inconscient en termes de connexion et du coup si difficile à raccrocher. C'est-à-dire que tout notre corps, en termes de captage de ressenti, il est habitué à ce contact à l'air et il ne le traduit plus, ou vraiment plus beaucoup. Donc le reconnecter, ça demande pas plus d'efforts, mais plus d'entraînement, tout simplement plus de pratique. On est tellement déconnecté de cette connexion volontaire. En fait, respirer, c'est la première connexion à l'air. Et pourtant, biologiquement, on est fait pour ne pas avoir à y réfléchir. C'est un automatisme. Donc, on va vous apprendre à respirer, c'est faux. Mais on va certainement beaucoup utiliser le mot respiration. Ce sera notre mot du jour, je pense. Déjà, l'air, à quoi c'est relié pour toi de manière spirituelle, de manière, dans tout ce qui est magie, ésotérisme, énergétique? Eh bien, écoute, moi, je vais y aller cash dans le truc. Oh, wow. Pour moi, l'air est relié aux entités qui nous entourent. Oh waouh, ah ouais, énorme. Dans l'air, j'y ai tout ce monde invisible qui vit avec moi, clairement. Ben oui, j'y avais pas pensé, mais ça fait sens, de ouf. L'élément air, pour moi, il est associé à, on va dire, l'intellect et à tout ce qui est... au céleste, exactement, aux sphères supérieures. Et justement, oui, ça fait sens avec ce que tu dis. En effet, on a aussi tous nos défunts qui sont autour de nous qui sont associés à cet élément air. C'est très juste. Je dis pas que des conneries, ça a l'air de te surprendre, c'est drôle. Au niveau des chakras, l'énergie de l'air, tu vas l'associer à quoi, toi ? Ah, le plus haut possible, je dirais coronal. Et quand même troisième œil aussi, parce qu'on est sur ce truc très intuitif, très, j'allais dire visuel, mais parce que oui, le visuel de l'autre côté, quoi. Donc troisième œil coronal, pour moi c'est là que je placerai tout le lien à l'air. Alors je suis tellement content que tu parles de ça parce qu'on en reparlera, mais ce troisième œil, comme tu le dis, c'est visuel et c'est vraiment visuel même si c'est invisible. C'est tellement difficile à expliquer cette notion-là, oui, mais le troisième œil porte vraiment son nom parce que ça nous permet de voir des choses qui sont de l'invisible. En astrologie, le symbole de l'air, c'est le mien. Il est rien qu'à moi. Je rigole, faux, évidemment. Faux, c'est mon signe lunaire aussi. Je te l'échoirai. Je squatte ton Verseau. Donc oui, c'est le symbole du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Donc on est sur des signes qui sont dans la communication, qui sont dans beaucoup l'intellect. Un symbole d'équilibre et de dualité, parfois. Oui, et je trouve que pour une partie de ces signes-là, cette énergie d'air me semble participer à votre côté plus créatif quand même que... parce que je pense que ça rejoint cette idée de l'air peut être l'énergie qui insuffle l'inspiration et donc nourrit la créativité. Mais je rajouterais ça, moi, comme ressenti de ce que je capte de ces signes d'air. On sent que dans vos fonctionnements de signes d'air, même un cadre est volatile, en fait. Ouais. La manifestation de l'élément air, elle est tout autour de nous. Moi, l'une des utilisations et l'une des manifestations de l'air que je trouve la plus remarquable, c'est l'utilisation de la voix et du son. Alors moi, j'utilise énormément ma voix dans l'incantation, dans l'utilisation de la canalisation des énergies. Et toi, j'ai l'impression que tu es quand même beaucoup connecté à cet élément air via le son. Et je pense notamment au tambour. Oui, pour le coup, moi j'ai une connexion à l'air et donc au son qui n'est pas du tout et maîtrise mes réceptrices. Je réagis très fortement aux vibrations des sons, au côté vibratoire des sons. Donc le tambour, tu l'as dit, c'est vraiment une dinguerie. Alors que si on parle de ma pratique à l'élément R, je ne parle pas, je fais pas d'incantation, ça c'est une vanne entre nous, mais c'est une réalité. Je suis une sorcière qui ne porte pas sa voix, c'est assez fascinant. Pour moi, cet élément R, parce qu'il est relié à ce monde invisible, il est avant tout mon petit baromètre de qu'est-ce qui m'entoure à l'instant où je suis en train de ritualiser. Et c'est comme ça que je peux percevoir un frisson, une énergie qui circule autour de moi, une âme qui d'un coup est là et bouge. Moi, dans les rituels, l'air ne porte pas ma voix, mais vient porter bah, presque la voix de ce qui m'entoure. Pour moi, une grande partie de la puissance de la sorcière, elle est aussi très importante de la connexion à la voix. Savoir placer et utiliser sa voix, c'est aussi vraiment savoir utiliser son pouvoir pour imposer sa place aux autres. Savoir poser une voix claire, nette et précise permet aussi d'ancrer, paradoxalement, votre pouvoir et votre puissance dans ce monde ambiant. Oui, et c'est pas si paradoxal que ça parce que utiliser la voix comme tu le fais, c'est aussi placer son intention dans le choix des mots. On l'a déjà dit dans un précédent épisode, les mots portent une vibration et portent du coup une énergie propre et donc un pouvoir propre. Au même titre qu'on vous a dit, écrire permet de pérenniser cette énergie. À l'inverse, dire, bah, comme tu l'exprimes très bien à travers des incantations, hein, prononcer ces mots de pouvoir, c'est activer cette énergie. Donc moi, parce que je ne parle pas, l'activation des énergies que j'utilise se fait par l'intention mentale, hein, dans ma tête, mais réellement, l'intérêt de les prononcer, c'est que on pose dans l'espace la vibration de l'intention qu'on est en train d'enclencher, d'utiliser, de manifester. L'une des connexions que je fais beaucoup aussi avec l'élément air, c'est me connecter au vent. Alors moi j'aime beaucoup les moments venteux. Quand il y a du vent dehors, mais vraiment je suis heureux, je me pose dehors et je vraiment ressens le vent. C'est quelque chose que j'adore. J'ai déjà assisté à ça en direct live, tant avec rafale de vent à 100 km/h, qui est-ce qu'on trouve en train de faire sa pause café dehors en pleine tempête, Tony. C'est grisant ce vent qui vous traverse. Il y a quelque chose de presque divin, en tout cas de céleste, de sentir ce pouvoir invisible qui vous traverse, vous porte, vous donne des ailes quasiment. Moi, le vent, il a aussi ce truc de... Il me donne vraiment la sensation de m'alléger un peu plus De à ouf. chaque bourrasque. Je sens qu'il emporte des choses et il emporte bah, factuellement tout ce qui n'est pas utile et que j'ai pas consciemment libéré. On en a un peu parlé avec l'élément feu, mais justement, l'élément air va être très utile aussi lors des fumigations, lors Oui. de l'utilisation d'encens ou de résine hein, que vous allez brûler, et vous allez justement libérer dans l'air une énergie, une volonté, une puissance qui va être brassée via l'air. Donc vous créez la première énergie grâce à l'élément feu, et ensuite vous allez connecter et disperser ce pouvoir grâce à l'élément air, pour développer votre pouvoir et votre puissance spirituelle. Moi, quand je fais ça, alors que ce soit fumigation, alors l'encens, encens en bâton, Oui. peu, enfin moins, mais enfin ouais, moins, mais quand même. Mais dès que ça va être fumigation ou encens résine, cette dispersion dans l'air, je la fais avec une plume. Ah bah oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé, ouais. Ouais, j'utilise beaucoup ce truc de la plume. Moi, la plume, c'est vraiment le truc très aérien, en termes d'objet, hein, évidemment. Mais c'est une symbolique totalement aérienne pour moi, la plume. On en a parlé en début d'épisode. Un très bon exercice, justement, pour la connexion à l'air, c'est de vous réapproprier ce réflexe qu'est la respiration. Et justement, de savoir reprendre ces moments où vous allez pouvoir respirer et vraiment sentir l'air rentrer dans vos poumons et sortir de vos poumons, insuffler quelque chose dans votre corps de vivant et expirer ce qui peut être des pensées négatives. Ce qui peut être des pensées parasites en tout cas, d'apprendre à respirer et expirer ça pour pouvoir avoir un esprit beaucoup plus clair pour vous nourrir aussi via vos poumons. C'est très très juste ce que tu dis et la symbolique en énergétique, hein, la symbolique du nez et donc de cet organe qui permet de respirer, c'est que c'est par là que vous nourrissez la vie en vous. c'est inspirer la vie et expirer soit ce qui est à libérer, soit ce qui est du passé. Et c'est parfois ce qui est mort en nous, c'est pas ce qui est mort factuellement, c'est ce qui n'est plus d'aujourd'hui, ce qui n'est plus de l'instant présent. Portez attention à votre respiration en faisant de la respiration très consciente. Ça vous détend parce que ça vous ramène dans l'instant présent, ce qu'on vit assez peu. Notre quotidien nous embarque soit avec les trucs d'hier, soit avec les trucs à prévoir pour demain. La respiration, ça ne peut se passer que à l'instant présent. Et énergétiquement, vous concentrez sur où va l'air que j'inspire et qu'est-ce qui peut aller chercher et me permettre d'évacuer. Ça remet en circulation vos énergies. Vous n'avez pas besoin d'être énergéticien ou énergéticienne pour prendre soin de vos énergies et savoir les faire circuler, les débloquer. Tout ça est avant tout très intuitif. Je pense que la connexion aux éléments, voilà, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'être énergéticien ou énergéticienne. La connexion aux éléments, c'est probablement la connexion la plus basique que tout le monde peut avoir assez facilement. Si on devait donner un exercice pour nos auditeurs et nos auditrices pour cette semaine pour se connecter à l'élément air, lequel choisirais-tu? En énergétique, on fait parfois cet exercice d'inspirer par un chakra et d'expirer par un autre. Oh! Donc c'est vraiment la notion de mélanger votre souffle avec votre intention de par où j'inspire cet air nouveau et par où je l'expire. Donc vous pouvez commencer en choisissant deux chakras, par exemple inspirer par le chakra coronal de votre tête, donc inspirer réellement un air créatif, un air cosmique. Et expirer par votre chakra racine avec cette idée de j'inspire du nouveau par la tête et j'expire ce que j'ai à libérer par la terre. Donc je pense que ce serait un exercice qui paraît compliqué mais qui en fait repose tellement sur aussi la visualisation, l'intention qu'on connecte à ces chakras hauts qui sont reliés à l'élément air et après le souffle qui en pratique connecte votre corps à l'élément air. Moi, je proposerais un petit exercice en extérieur, parce que j'aime bien, de vous poster dans un endroit, laisser, je vous dis pas d'être nu, hein, mais par exemple vos bras nus, pour vraiment ressentir le vent sur votre peau. Fermez vos yeux, essayez de vraiment ressentir en pleine conscience le vent sur vous. Les gros mouvements de vent, puis les petites brises, de sentir l'effet que vous ressentez à ce contact du vent, et tellement que vous allez vous réussir à vous connecter à ça, vous allez aussi pouvoir pressentir les mouvements du vent. Cette connexion à l'air, elle peut se faire très simplement par ça, et c'est doux, c'est agréable. Ce que tu décris dans cette connexion au vent, où une fois qu'on est bien connecté à cet air, on peut anticiper les changements de direction qui du coup sont jamais totalement aléatoires, et ça vous permet d'appréhender une autre façon justement dans votre vie quotidienne, dans votre vie très terrestre, la manière dont vous pouvez appréhender les changements quand ils semblent imprévus et que pour autant vous les avez peut-être senti venir à l'avance, mais vous les avez pas écoutés, et ben ça peut vous donner une autre je ne vais pas aller jusqu'à dire une autre philosophie de vie, mais vous avez compris l'idée, une autre manière d'aborder la notion de changement, pas comme un truc radical, surprenant, déstabilisant, mais parfois comme quelque chose qu'on a senti venir avec un autre sens que ce qu'on écoute et sur lequel on peut naviguer en fait. N'hésitez pas, nous, à nous dire comment vous connectez à l'air. Est-ce que c'est un élément déjà qui vous parle? Comment est-ce que vous vous connectez à cet élément air? Comment vous pensiez vous y connecter ou ne pas y être connecté? Et maintenant que vous nous avez écoutés et que vous regardez un petit peu autrement vos habitudes avec cet élément air, qu'est-ce que ça vous a peut-être appris de votre connexion à cet élément air? Et qu'est-ce qui symbolise pour vous? Parce qu'on vous a donné nos symboliques, mais peut-être que pour vous, il y a des choses complètement différentes que vous ressentez via cette connexion à l'air. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'est un bonheur, comme toujours, de discuter avec toi, Charline. Eh ben, c'était un vrai plaisir aussi, d'autant que ben, on découvre même sur ce truc basique que sont les quatre éléments, qu'on ne pratique pas pareil, qu'on ne s'y connecte pas pareil et qu'on n'a même pas les mêmes symboliques autour de ces éléments-là. Donc on espère aussi que ben, nos deux visions qui se complètent et qui sont différentes vous permettent d'enrichir votre façon de percevoir ces énergies, cet invisible et là en l'occurrence les quatre éléments. N'hésitez pas une fois de plus à venir nous dire ce que vous inspire l'air. Eh bien, merci à vous. On vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine pour un... Sujet mystère pour la semaine prochaine. Merci à vous pour votre écoute sur ces quatre éléments. Nous vous souhaitons une belle journée et à la semaine prochaine. Ciao! À très bientôt!